Chapitre 6e. La troupe de Scaramouche, après avoir cueilli force laurier et récolté non moins d'argent, quitta Fano pour se rendre à Mantoue. Comme, à cette époque, il n'y avait pas encore eu de bataille de Solferino, l'Italie se trouvait divisée en un grand nombre de petits États qui n'en étaient ni plus forts ni plus tranquilles. Mantoue était alors la capitale d'un duché où régnait, depuis le XVIe siècle, la famille des Gonzagues. Cette ville, fière d'avoir vu naître Virgile dans ses environs, était déjà remarquable par le nombre et la beauté de ses édifices. On y admirait surtout la cathédrale et la résidence des ducs, nommée Palais du Thé à cause de sa structure. Lorsque les comédiens arrivèrent à Mantoue, le duché était gouverné par un jeune prince, ami du plaisir et généreux, qui leur fit le plus gracieux accueil. Mais ses préférences furent bien vite acquises à Scaramouche, qu'il combla de faveur et de libéralité. Celui-ci, on le pense bien, ne se fit pas scrupule d'user et même d'abuser du bon vouloir que lui témoignait le duc. Il avait, du reste, cela de commun avec une autre variété de comédiens connus sous le nom de courtisans. Un jour qu'il était allé saluer le jeune prince, la conversation tomba sur l'opportunité de renouveler un répertoire que le public savait déjà par cœur. « Ah, monseigneur, ce serait sans doute à souhaiter pour nous aussi bien que pour le public, mais... » « Je comprends, les pièces vous manquent. »« Au contraire, monseigneur, j'en ai même une qui mijote en ce moment dans mon cerveau, et sur laquelle je fonderais les plus belles espérances si... »« Voyons, m'explique-toi, s'il y a un obstacle et que je puisse le lever. »« Ah, certes, votre Altesse le peut. Enfin, ce n'est pas la pièce qui manque, c'est l'habit. »« Eh, que ne le disais-tu tout de suite ?» Je vais donner ordre à l'intendant de ma garde-robe de te prêter celui que tu choisiras toi-même. » Scaramouche choisit modestement un magnifique habit de velours noir, tout parsemé de perles de la plus belle eau. La pièce fut promptement apprise, répétée et jouée. Au moment où Scaramouche, paraissant sur la scène vêtu de son riche costume, était salué par les applaudissements unanimes du public ébloui, l'acteur qui lui donnait la réplique se mit à dire « Il faut qu'un grand prince t'ait prêté cet habit. »« Qu'appelles-tu prêté ? » répliqua Scaramouche. « Prends-tu, Marot, un prince pour un fripier ? Dis plutôt qu'il me l'a donné, et tu parleras sagement. » Le prince rit beaucoup, et l'habit ne rentra point dans sa garde-robe. Une autre fois, Scaramouche sollicita du duc un très beau harnais, qui lui fut accordé sur le champ. On rit beaucoup de cette bizarre fantaisie d'un homme qui n'avait point de monture, mais à quelque temps de là, Scaramouche, ayant loué un âne, lui mit le précieux harnais, monta dessus, vêtu de son bel habit de velours, et se plaça, ainsi équipé, sur le passage du prince. « Que signifie cette extravagance ? » demanda le duc en fronçant légèrement le sourcil. Scaramouche fit une de ces contorsions dont il possédait le secret. « Monseigneur, je n'ai pas voulu laisser échapper cette occasion de montrer à chacun les riches présents dont votre Altesse m'a honoré. Si j'avais eu assez d'argent, je n'aurais pas manqué d'acheter un beau cheval pour correspondre avec la magnificence du harnais. » Le même jour, par ordre du prince, Scaramouche recevait des mains du grand écuyer un des plus beaux chevaux de l'écurie ducale. Le lendemain, cheval et harnais étaient vendus à un seigneur de la cour. Le duc ne put s'empêcher d'en témoigner du mécontentement à son comédien favori. « Ah, prince !» répondit Tiberio avec une parfaite bonhomie. « Ne me grondez point pour une faute commise uniquement dans l'intérêt de vos plaisirs. Si j'avais gardé ce cheval fringant, je me serais infailliblement estropié quelques membres ou même cassé le cou, et cela n'aurait pas manqué de faire de la peine à votre Altesse. » Adoré du public, choyé par le duc, Scaramouche pouvait vivre longtemps heureux à Mantoue, mais, par une singularité commune à tous ceux que la nature a fait voyageurs, il se lassait d'être bien aussi vite qu'il s'ennuyait d'être mal. Ce ne fut pas toutefois sans un grand déplaisir que le prince qu'il avait si libéralement traité le laissa partir pour Bologne.